valait le silence. Nuit un autre régalement. Parlons donc, ma chère espérance, au cœur et des yeux seulement. Amour, sa petite volage nous apprend ce muet langage. Amour, ce petit volage nous apprend ce muet langage. Quel regard vole et revole, messager des nos passions. Serve au lieu de la parole pour dire nos intentions. Amour, ce petit volage nous apprend ce muet langage. Amour, sa petite volage nous apprend ce muet langage. Mais si quelqu'un met son fancé de nous voir découvrir des yeux, nous parlerons de la pensée comme les anges dans le ciel. Amour, sa petite ce muet langage. Amour, ce petit volage nous apprend ce muet langage. Dans ses parents doux artifices, nous tromperons la courtisance et nous rirons de la malice de mille fâches mestissants qui ne sont pas davantage ignorant ce muet langage. Amour, ce petit volage nous apprend ce muet.